qui est moindre que le hadith Hassan. Voilà. Il est moindre que le hadith Hassan en degré. Donc là, on a terminé l'évocation des différentes catégories du hadith. Sahih d'une part, Hassan d'une autre, et Da'if. Est-ce qu'on peut prendre comme dalil un hadith Hassan, Ya Abdelkarim? Non. Non. C'est-à-dire le Hassan et le Sahih, ce sont les deux catégories de hadith qui sont pris comme qui sont utilisés comme étant des dalils. Al-Sahih ou al-Hassan. Taïb. Est-ce qu'on peut utiliser un hadith da'if pour faire un da'wah, par exemple, pour encourager le... Certains savants, ils sont de cet avis, comme l'imam al-Nawawi. Des hadiths qui sont da'if, ils sont mawdou', ils sont inventés. Ils vont te les dire si c'est pour encourager à œuvrer. Mais le sahih, c'est que... non. Parce que ça sous-entend un mensonge sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, alayhi salam, il dit « Man kadaba alayha falyatabawa maq'aduhu minan nar » Celui qui ment sur moi, qu'il prépare sa place au feu. Non. C'est-à-dire que le hadith da'if, quoi qu'il arrive, il faut t'en éloigner. Donc le mieux, c'est de ne pas appeler qui que ce soit avec un hadith da'if. Sauf si le hadith, il est da'if, mais sa faiblesse, elle est renforçable par un autre hadith da'if, dont la faiblesse est pareille. Taïb, ça veut dire là, tu as un hadith da'if d'une faiblesse, comment dire, moindre, c'est pas une grande faiblesse. Et tu as un autre hadith da'if de la même faiblesse. Là, ça fait da'if plus da'if, ça donne... Ça donne Hassan li ghayri. Taïb. Le Hassan li ghayri, est-ce que c'est une hujja? Hujja. Hujja. C'est-à-dire tu peux le prendre. Hujja, c'est-à-dire tu peux l'utiliser. Ouais, tu peux l'utiliser comme dalil. Hassan li ghayri. Et c'est bien de savoir ça parce que vous allez trouver beaucoup de hadiths. Qala Cheikh Al-Albani, Hassan li ghayri. Toi, ça veut dire que quand tu vas voir le hadith, déjà tu vas savoir que bon, c'est un hadith, il est da'if à la base. Taïb. Et qui a été renforcé par d'autres hadiths qui sont da'if. Ça veut dire, ça c'est très important en fait de savoir ça parce que des fois, ça va t'amener à refaire une recherche. Quand vous aurez atteint un niveau yani là-bas, dans la science du Mustalah. Il y a des choses, juste tu vas les voir, ça va te donner à toi l'envie de chercher est-ce que ce hadith il est vraiment Hassan l'Iraïli ou pas. Parce que si tu sais déjà qu'il est da'if, ça te pousse à... En tout cas, c'est pas pareil que le hadith sahih. Et quand toi tu sais que le hadith il est Hassan l'Iraïli, et tu as un autre hadith qui le contredit, et qui est Hassan l'Idate. Hassan, il est Hassan en soi. Toi, comme tu as étudié un peu le Mustalah, tu vas savoir que ce hadith, celui qui est Hassan en soi, lui, il doit être pris, il doit être mis en avant. Parce que lui, il est Hassan en soi. Il n'est pas Hassan avec, une compilation de hadiths qui sont derrière. T'as vu? Ala kulli hal, là, on va rentrer dans une autre... catégorie de hadith. قال الناظم عليه رحمة الله وما أضيف للنبي المرفوع. طيب. Donc là on va voir le hadith qu'on appelle le hadith marfou. Le hadith marfou. طيب. Qui c'est qui a étudié un peu de Nahu, la grammaire? Le Ismaïl. عند النحا المرفوع ما هو? هل هو هذا المقصود? Parce que le mot marfou, vous allez le trouver dans Mustalah al-Hadith. Vous allez le trouver aussi dans la grammaire arabe. Marfou bi dhamma, marfou bi thubut an-nun, ou ghayr dhalik. Tamam? Mais c'est pas le but visé ici. Tamam? Le but visé, comme l'a dit l'auteur, c'est toute parole qui a été attribuée au prophète alayhi salatu wa salam. On appelle ça un hadith marfou. Mafhoum? On appelle ça un hadith marfou. Et rufi'a ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il a été ramené et élevé jusqu'au prophète alayhi salatu wa salam. Taïb. Hadith Aïcha, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa warad. Ça c'est un hadith marfou? C'est pas un hadith marfou? C'est pas un hadith marfou? Si, c'est une parole du prophète aussi. C'est une parole du prophète, donc si. Qui est avec Ismaïl et qui est avec notre frère? Comment c'est? Karim. Hayakallah, Karim. Qui c'est qui est David Karim? Il dit c'est Marfour. Allah Alam. En fait, c'est quand ça. La parole, on dit c'est. Elle est affiliée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non ? Ça ne veut pas dire qu'elle l'est. Ça ne veut pas dire qu'elle l'est. Qu'elle l'est attribuée, c'est-à-dire que c'est vraiment attribué ou c'est que les... C'est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, Aïcha, qalat qala Rasulullah. Ça veut dire les marfois. Ça veut dire les marfois. Tamam ? Du moment que la parole elle est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, khalas. Maintenant, est-ce que le hadith... Il remonte vraiment au prophète alayhi salatu wa salam, où il y a une coupure dans la chaîne de transmission ou autre. Ça, c'est une autre chose. Mais le jugement du hadith, le jugement, il est marfou. C'est-à-dire qu'il a été attribué au prophète alayhi salatu wa salam. C'est-à-dire que c'est une parole du prophète alayhi salatu wa salam. Mafou? Taïb. Jamal, il dit, le prophète alayhi salam a dit kada wa kada. Le hadith, il est marfou. Al-Karimayn. Il n'est pas marfou. Là, il n'est pas marfou. Là, il n'est pas marfou. Il est marfou ou il n'est pas marfou? Non, moi, j'ai confondu avec le compagnon, il est sauté en fait. Aïe, là, ça va venir, ça. Mais là, est-ce que la parole de Jamal, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, il t'a même pas donné de sanat. Hein. Il dit Qala Rasulullah. Est-ce que là c'est marfou, c'est la parole? Si on prend comme tout à l'heure, c'est marfou. Non. C'est marfou aussi. Non. Fanaqul kalam Jamal marfou. Tamam? Marfou? Wa ilahuna subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.